parce que je suis poussière et que je retournerai en poussière. Et vous, ayez pitié de moi. Que la main du Seigneur m'a touché. Mes os se sont desséchés comme du bois, et il ne me reste plus que les dents autour de la bouche. Que vous lui attachiez votre cœur. Tu le visites au point du jour, et l'épreuve commence pour lui aussitôt. Jusque à quand sera-ce que tu oublies de m'épargner et que tu ne me laisses pas le temps que j'avale ma salive. Ma vie est comme le vent qui souffle et ma substance comme rien. L'homme né de la femme et qui vit peu, tu vois de quelle misère c'est. Il fuit comme l'ombre et jamais il ne demeure dans le même état. Et c'est sur un individu de cette espèce que tu juges digne de toi d'ouvrir les yeux et de l'amener devant toi au jugement. Il est vrai que j'ai péché. Qui peut faire pur quelque chose né d'une semence qui ne l'est pas? Toi seul, toi seul. Retirez-vous de lui, je serai enveloppé de ma peau. Et dans ma propre chair, je verrai ce Dieu qui est mon sauveur.